En Afrique, beaucoup d'hommes conduisent leur pays à la guerre et à la misère. Sans orgueil et sans conscience, ils vivent aujourd'hui en Amérique ou en Europe, oubliant le continent noir qui vit de jour en jour.